Deutéronome chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole dégouttera comme la rosée, comme la pluie menue sur l'herbe naissante, et comme la grosse pluie sur l'herbe avancée. Car j'invoquerai le nom de l'Éternel, attribuer la grandeur à notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont jugement. Le Dieu fort est vérité, et sans iniquité, il est juste et droit. Ils se sont corrompus envers lui, leur tâche n'est pas une tâche de ses enfants, c'est une génération perverse et revêche. Est-ce ainsi que tu récompenses l'Éternel, peuple fou, et qui n'est pas sage, n'est-il pas ton père, qui t'a acquis, il t'a fait, et t'a façonné? Souviens-toi du temps d'autrefois, considère les années de chaque génération, interroge ton père, et il te l'apprendra, et tes anciens, et ils te le diront. Quand le souverain partageait les nations, quand il séparait les enfants des hommes les uns des autres, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel c'est son peuple, et Jacob est le lot de son héritage. Il l'a trouvé dans un pays de désert, et dans un lieu hideux, où il n'y avait que hurlement de désolation, il l'a conduit par des détours, il l'a dirigé, et l'a gardé comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle émeut sa nichée, couvre ses petits, étend ses ailes, les accueille, et les porte sur ses ailes, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Il l'a fait passer comme à cheval par-dessus les lieux hauts élevés de la terre, et il a mangé les fruits des champs, et il lui a fait sucer le miel de la roche, et a fait couler l'huile des plus durs rochers. Il lui a fait manger le beurre des vaches, et le lait des brebis, et la graisse des agneaux et des moutons nés en Basan, et la graisse des boucs, et la fleur du froment, et tu as bu le vin qui était le sang de la grappe. Mais le droiturier s'est engraissé, et a regimbé, tu t'es fait gras, gros et épais, et il a quitté Dieu qui l'a fait, et il a déshonoré le rocher de son salut. Ils l'ont ému à jalousie par les dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié aux idoles, qui ne sont point Dieu, aux dieux qu'ils n'avaient point connus, Dieu nouveau, venu depuis peu, desquels vos pères n'ont point eu peur. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu fort qui t'a formé. Et l'Éternel l'a vu, et a été irrité, parce que ses fils et ses filles, l'ont provoqué à la colère. Et il a dit, je cacherai ma face d'eux, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une race perverse, des enfants en qui on ne peut se fier. Ils m'ont ému à jalousie par ce qui n'est point le Dieu fort, et ils ont excité ma colère par leur vanité, ainsi je les émouverai à jalousie par un peuple qui n'est point peuple, et je les provoquerai à la colère par une nation folle. Car le feu s'est allumé en ma colère, et a brûlé jusqu'au fond des plus bas lieux, et a dévoré la terre et son fruit, et a embrasé les fondements des montagnes. J'emploierai sur eux toutes sortes de maux, et je décocherai sur eux toutes mes flèches. Ils seront consumés par la famine, et rongés par des charbons ardents, et par une destruction amère, et j'enverrai contre eux les dents des bêtes, et le venin des serpents qui se traînent sur la poussière. L'épée venant de dehors les privera les uns des autres, et la frayeur, venant des cabinets ravagera le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète, et l'homme décrépit. J'eus dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre, et j'abolirai leur mémoire d'entre les hommes, si je ne craignais l'indignation de l'ennemi, et que peut-être il n'arriva, que leurs adversaires ne vinssent à se méconnaître, que peut-être ils ne disent, notre main s'est exaltée, et l'Éternel n'a point fait tout ceci. Car ils sont une nation qui se perd par ses conseils, et il n'y a en eux aucune intelligence. Oh s'ils eussent été sages, s'ils eussent été avisés en ceci, et s'ils eussent considéré leur dernière fin. Comment un an poursuivrait-il mille, et deux ans mettrait-il en fuite 10 000, si ce n'était que leur rocher les a vendus, et que l'Éternel les a enserrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis eux-mêmes en seront juges. Car leur vigne est du plan de Sodome, et du terroir de Gomorre, et leurs grappes sont des grappes de fiel, ils ont des raisins amers. Leur vin est un venin de dragon, et du fiel cruel d'aspic. Cela n'est-il pas serré chez moi, et scellé dans mes trésors? La vengeance m'appartient, et la rétribution, autant que leur pied glissera, car le jour de leur calamité est prêt, et les choses qui leur doivent arriver se hâtent. Mais l'Éternel jugera son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que la force s'en sera allée, et qu'il n'y aura rien de reste, rien de serré, ni de délaissé. Et il dira, où sont leurs dieux, le rocher vers lequel ils se retiraient? Mangeant la graisse de leurs sacrifices, et buvant le vin de leurs aspersions. Qu'ils se lèvent, et qu'ils vous aident, et qu'ils vous servent d'asile. Regardez maintenant que c'est moi, moi-même, et il n'y a point de Dieu avec moi, je fais mourir, et je fais vivre, je blesse, et je guéris, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main au ciel, et je dis, je suis vivant éternellement. Si j'aiguise la lame de mon épée, et si ma main saisit le jugement, je ferai tourner la vengeance sur mes adversaires, et je le rendrai à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée dévorera la chair, j'enivrerai, dis-je, mes flèches du sang des tués et des captifs, commençant par le chef, en vengeance d'ennemis. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il fera tourner la vengeance sur ses ennemis, et fera l'expiation de sa terre et de son peuple. Moïse donc vint, et prononça toutes les paroles de ce cantique, le peuple l'écoutant, lui et Josué, fils de Nun. Et quand Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit, « Mettez votre cœur à toutes ces paroles que je vous somme aujourd'hui de commander à vos enfants, afin qu'ils prennent garde de faire toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole qui vous soit proposée en vain, mais c'est votre vie, et par cette parole vous prolongerez vos jours sur la terre pour laquelle possédez vous allez passer le Jourdain. » En ce même jour là l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Monte sur cette montagne d'Abarim, en la montagne de Nebo, qui est au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, ensuite regarde le pays de Canaan, que je donne en possession aux enfants d'Israël. Et tu mourras sur la montagne sur laquelle tu montes, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne d'Or, et a été recueilli vers ses peuples. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël aux eaux de la contestation de Kadès dans le désert de Tsin, car vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. C'est pourquoi tu verras vis-à-vis de toi le pays, mais tu n'y entreras point, au pays, dis-je, que je donne aux enfants d'Israël.